selon des tailles de ma première jeunesse, auront paru bien puériles, et j'en suis fâché. Quoique né homme à certains égards, j'ai été longtemps enfant, et je le suis encore à beaucoup d'autres. Je n'ai pas promis d'offrir au public un grand personnage. J'ai promis de me peindre tel que je suis. Et, pour me connaître dans mon âge avancé, il faut m'avoir bien connu dans ma jeunesse. Comme en général, les objets font moins d'impression sur moi que leurs souvenirs, et que toutes mes idées sont en images, les premiers traits qui se sont gravés dans ma tête y sont demeurés. Et ceux qui s'y sont empreints dans la suite se sont plutôt combinés avec eux qu'ils ne les ont effacés. Il y a une certaine succession d'affections et d'idées qui modifient celles qui les suivent et qu'il faut connaître pour en bien juger. Je m'applique à bien développer partout les premières causes pour faire sentir l'enchaînement des effets. Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur. Et pour cela, je cherche à le lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il n'aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qui les produit. Si je me chargeais du résultat et que je lui dise « tel est mon caractère », il pourrait croire, sinon que je le trompe, au moins que je me trompe. Mais, en lui détaillant avec simplicité tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai senti, je ne puis l'induire en erreur, à moins que je ne le veuille. Encore même, en le voulant, n'y parviendrai-je pas aisément de cette façon. C'est à lui d'assembler ses éléments et de déterminer l'être qu'il compose. Le résultat doit être son ouvrage. Et s'il se trompe alors, toute l'erreur sera de son fait. Or, il ne suffit pas pour cette fin que mes récits soient fidèles. Il faut aussi qu'ils soient exacts. Ce n'est pas à moi de juger de l'importance des faits. Je les dois tous dire et lui laisser le soin de choisir. C'est à quoi je me suis appliqué jusqu'ici de tout mon courage et je ne me le relâcherai pas dans la suite. Mais les souvenirs de l'âge moyen sont toujours moins vifs que ceux de la première jeunesse. J'ai commencé par tirer de ceci le meilleur parti qu'il m'était possible. Si les autres me reviennent avec la même force, des lecteurs impatients s'ennuieront peut-être, mais moi, je ne serai pas mécontent de mon travail. Je n'ai qu'une chose à craindre dans cette entreprise. Ce n'est pas de trop dire ou de dire des mensonges, mais c'est de ne pas tout dire et de taire des vérités.